Vous avez moins de 30 ans ou vous connaissez des jeunes curieux qui aiment vivre de nouvelles expériences musicales? Faites le Déclic Musique avec 5 concerts pour seulement 99 $. Découvrez l'Orchestre symphonique de Québec, les Violons du Roi, les Rhapsodes, l'Opéra de Québec, E27 Musique Nouvelle, l'Ensemble Vent et Percussions de Québec et le Palais Montcalm pour seulement 99 $. Détails au déclicmusique.com. La brasserie La Korrigane vous offre des bières fabriquées sur place par nos artisans brasseurs avec des ingrédients de premier choix et servies par des passionnés dans une ambiance chaleureuse. Un lieu de dégustation et de rencontre incontournable à Québec. La Korrigane, boire indépendant, boire local, boire artisanal. Le rendez-vous culturel du mercredi, c'est l'émission Jamais comme tout le monde animée par Tania Beaumont. De 17h30 à 19h30, en direct du bar Le Sacrilège, Tania reçoit des artistes d'ici et d'ailleurs en entrevue et prestations. Ses collaborateurs proposent des découvertes artistiques ou autres curiosités et l'équipe promet de ne pas vous laisser partir les mains vides. Parce qu'à CKRL et au Sacrilège, on ne fait jamais rien comme tout le monde. Spatial, un entretien avec les lauréats des prix Vidéré, des nouvelles la joaillière Catherine Chidi et un projet d'inventaire des textures de Québec. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en art visuel à Québec. Audrey Caro avec vous pour cette édition tout en neige, bien sûr, du 12 décembre 2017. Et faut dire qu'on regarde souvent le côté négatif des tempêtes, mais il y a à chaque fois une grande beauté visuelle dans cette manifestation de mère nature pour ceux qui savent regarder le monde autrement. Et c'est ce que les arts visuels savent très bien faire, effectivement. Et je suis vraiment très fébrile pour cette émission parce qu'en première partie, j'aurai le plaisir d'avoir les lauréats des prix Vidéré avec moi en studio pour discuter de cette reconnaissance qu'ils ont reçue il y a 2 semaines de ça au cours de la cérémonie des prix d'excellence des arts de la culture. Et il faut vous rappeler que c'est depuis 1993 que sont décernés les prix Vidéré, qui vient du latin « voir », et que l'on remet chaque année depuis, donc 3 prix pour souligner les talents des artistes en art visuel de la région. Et j'aurai le plaisir d'avoir en ma compagnie Julien Lebargie, Georgia Volpe et Alain-Martin Richard. En seconde moitié, Lauriane Thibodeau se joint à moi et sera accompagnée de la joaillière Catherine Chidi, pour qui ça va vraiment très, très bien ces temps-ci. Elle a tout récemment remporté le prix Jean-Marie Gauvreau, qui est la plus haute distinction remise à une ou un artisan des métiers d'art. De même, Lauriane va en profiter pour parler donc avec l'artiste et la questionner sur ses projets actuels et à venir, de même que sur sa résidence qui est prévue à Londres aussi. Donc, on s'entretient avec elle dans les alentours de 18 heures. Et puis, je vais recevoir aussi le photographe Nicolas Martel, qui viendra nous parler de son projet d'inventaire des textures de Québec, qui sera présenté ce vendredi chez Vue, où le visiteur pourra repartir avec une partie de cette œuvre qui est en fait un grand livre de photos. Donc, on pourra repartir avec une page. On vous en donne davantage de détails, donc, vers la fin de l'émission. Et bien sûr, on termine comme à chaque semaine avec l'agenda de la semaine, qui est assez chargé cette semaine. Et si on a le temps, quelques actualités en art visuel. On s'en va en pause audio, toujours cette fois-ci, cette semaine-ci, présentée par Simon Roy. On y nous présente l'artiste Raj, dont on va écouter quelques extraits du EP Fiore. C'est un premier extrait, le titre In Raw. Alors, on est de retour et on débute cette première partie d'émission en compagnie des lauréats des prix Vidéry. Je suis en compagnie de Julien Lebargie. Bonsoir. Bonsoir, Audrey. Il y a Alain-Martin Richard avec moi aussi en studio. Bonsoir, Audrey. Et Georgia Volpe qui est au téléphone. Bonsoir, Georgia. Bonsoir à tout le monde. Alors, j'avais envie, l'an dernier, on avait fait ce regroupement, justement, pour discuter de ces récompenses qui sont données à chaque année, comme je soulignais d'entrée de jeu, pour récompenser les créateurs en art visuel. Il y a trois prix. On a le prix, dans le fond, relève, bien sûr, en art visuel, le prix création et le prix reconnaissance. Donc, le premier est remis à un artiste qui a 7 ans et moins de pratique. Le deuxième à un artiste qui a 7 ans et plus, et reconnaissance, c'est un prix pour un artiste de plus de 20 ans de carrière. Alors déjà là, ça nous donne une idée, Alain-Martin, de où tu en es dans ta carrière. Oui, bien sûr. Alors, peut-être on pourrait commencer avec Julien, on va y aller comme ça. Tu as reçu donc le prix Relève en art visuel pour cette exposition que tu as présentée à la maison Tessier, Dis-la-Plante, voilà, je cherchais son petit nom. Et dans le fond, c'est un projet avec un titre très, très poétique. Ici, programme de découverte spatiale pour ceux qui mélangent les chiffres et la poésie, S4DP+. Voilà. Et Julien, il faut dire, peut-être, on pourrait commencer en disant un petit peu qu'est-ce que vous faites pour nos auditeurs. Julien, toi, tu touches un peu à plusieurs disciplines artistiques, notamment dans cette exposition-là, le montrait très bien. Oui, effectivement, j'ai commencé par avoir des formations en métier d'art, en lutherie, puis en sculpture. Puis, après quelques années d'atelier, j'ai décidé de revenir à la maîtrise à l'Université Laval. Et pendant cette maîtrise, j'ai exploité l'approche multidisciplinaire comme quelque chose qui m'était permis de faire. Et cette exposition mettait donc en présence, en espace, de la peinture, de la photographie, un livre, de la vidéo, de la projection et de la sculpture. Il n'y avait pas une performance aussi? Oui, une performance retransmise, effectivement, sur deux postes de télévision. Mm-hmm. Et toi, l'aspect, si je peux dire, l'histoire est quand même aussi quelque chose d'important dans ce fil conducteur qui est ce grand programme-là de découverte spatiale. Oui, ben, Peut-être que même on pourrait réfléchir à l'histoire dans ces deux sens, donc l'histoire historique et l'histoire fictive de la fiction. Depuis peut-être 5 ans, je travaillais essentiellement sur l'histoire, sur la validité, la véracité de l'histoire, comment on l'apprenait. Et tranquillement, cette réflexion a basculé du côté de la fiction. Et cette exposition-là, c'est beaucoup plus développée sur le thème donc, d'une fiction spatiale, avec des données scientifiques qui pourraient avoir l'air très vraies, très réelles, mais qui en fait sont tout le temps détournées au profit d'une esthétique. Oui. Alors, on a découvert, c'est ça, c'est dans le fond, comme le jury le soulignait, c'est le fun parce que ce ne sont pas des œuvres individuelles, mais tout ça est un tout, finalement. Tout ça se parle ensemble, crée il y a une interaction entre tout ça pour créer un ensemble, une histoire, justement, un récit où on se demande, justement, est-ce vrai, est-ce pas vrai? Enfin, là, et nous, à nous, comme spectateur, d'en faire ressortir ces éléments-là, bien sûr. Tout à fait. Et d'ailleurs, le corpus qui est présenté n'est pas complet. OK. Et j'ai travaillé sur la notion de corpus circonstanciel. Donc, en fait, le corpus est beaucoup plus large que ce que j'ai pu présenter. Et pour chaque exposition, je viens faire une sélection de certaines œuvres qui vont communiquer d'une manière différente dans l'espace de présentation. Donc, on peut se retrouver avec juste une installation sculpturale ou une installation vidéo ou plusieurs autres éléments. Là, la maison Tessie la Plante m'accueillait avec ses 5 salles, je pense, donc ça me permettait d'exploiter une bonne partie du corpus. Oui, oui. Et pour toi, ce prix, qu'est-ce que ça représente au juste au moment où tu en es dans ta carrière? C'est une bonne question. Avant d'avoir le prix, je pense que même la nomination, en fait, avait eu un effet très positif, surprenant, oui, ce serait le meilleur terme. J'étais très honoré d'être aux côtés de Pascal Leblanc-Lavigne et puis de Samuel Breton. Et honnêtement, c'était ma victoire dans la mesure où mon exposition à la Maison Tessie des Plantes n'est pas une exposition dans un lieu qui est reconnu. C'est un lieu qui est excentré à Beauport, dans une maison du patrimoine, qui était un choix pour mon exposition de fin de maîtrise, d'essayer de valoriser ces expositions qui se situent en dehors des centres traditionnels d'art visuel contemporain professionnel. Et la reconnaissance d'avoir été sélectionné pour cette exposition-là, c'est pas mal ce qui m'a le plus fait plaisir, en fait. Parce que, je vais faire une petite parenthèse, aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile, de plus en plus difficile, en fait, d'avoir des expositions solo dans les lieux reconnus. Les centres sont un petit peu surchargés. Les galeries, bon, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il était important pour moi de montrer qu'une exposition professionnelle pouvait avoir lieu en dehors de ces murs-là, sans bien sûr m'opposer à ces centres d'artistes-là. Au contraire, c'est une alternative. Mais être reconnu pour ce prix, pour cette exposition-là, pour moi, c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver à ce moment-là. Oui. On va peut-être enfiler avec Giorgia Volpe, si tu veux. Toi, c'était l'exposition « Tisser l'existant » qui était présentée à la maison Amel Bruno, une autre maison qui, elle, est de l'autre côté de la ville, plus vers l'ouest, dans le coin de Sainte-Foy. Et c'est une exposition assez importante pour toi, Giorgia, parce que ça permettait de faire le tour, c'était une rétrospective, finalement, de ce travail accompli depuis ton arrivée ici, parce qu'il faut le dire, hein, tu es originaire du Brésil, de São Paulo, mais justement, on pouvait faire vraiment avoir un aperçu très, très intéressant de ton travail depuis les débuts. Oui, effectivement, c'était très intéressant de pouvoir présenter ça dans la ville où j'habite, justement. Oui. Et puis, cette exposition-là, elle était commissariée par Carl Johnson. Comment s'était présenté ce travail avec le commissaire, au juste, par rapport à cette exposition-là? Alors, c'est la galerie Formen de Bishop University qui m'a approchée. En fait, ils ont invité Carl Johnson pour faire un projet de commissariat avec moi. Et j'avais jamais travaillé avec Carl, et puis c'était une rencontre tout à fait intéressante, parce qu'au début, on ne s'y connaissait pas, il connaissait un peu ma pratique, mais moi, je ne les connaissais pas, la sienne. Puis j'ai vraiment eu, pendant 2 ans, en fait, on a préparé l'exposition. C'est une exposition itinérante. Elle a voyagé à Maison Amel Bruno. C'était l'avant-dernière. Présentement, elle est présentée à The Rooms, à St. John's. Donc, elle a circulé pas mal, même en dehors du Québec. Elle est allée à Halifax, maintenant à St. John's, puis elle a fait aussi le Bas-Saint-Laurent, le musée du Bas-Saint-Laurent. Puis j'étais très contente de l'invitation d'Amel Bruno. C'est une maison patrimoniale, donc l'exposition avait un autre caractère dans ces lieux-là. Mais avec Cal, c'était 6 mois de travail, donc avec des visites ponctuelles à l'atelier où il est vraiment allé fouiller dans mes tiroirs parce que j'ai une pratique très multidisciplinaire aussi. Je pense que les jeunes connaissent beaucoup pour le travail que je fais dans l'espace public et aussi contextuel et communautaire. Mais tout au long, je pense, de mon parcours, j'ai aussi, je me base beaucoup du dessin. Je commence toujours dans des projets plus intimistes à l'atelier. Et puis, c'est ça qui Cal est venu chercher. Donc, il a fait vraiment un pont en lien éditorial, on va dire comme ça, entre ce que je fais, un peu en cachette, entre guillemets. Parce que, comme dit Julien, deux fois, on a des espaces pour exposer, mais on ne laisse pas de produire et des choses qui ne sont jamais vues non plus. Donc, pour moi, c'était vraiment un cadeau de pouvoir collaborer avec Cal et de sortir tous ces temps de mon travail qui n'avaient jamais été vus ni connus. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'était un cadeau. C'est le prix que j'ai eu, cette rencontre, puis... et toute cette collaboration avec les centres, les lieux qui l'ont présenté, c'était extraordinaire comme expérience, vraiment. Oui. Et puis en plus, j'imagine avec le côté très intime aussi de la maison Amel Bruno, ça a dû amener aussi une perception supplémentaire très proche de ton travail aussi, qui est tout en justement en intimité, dans le geste, dans le rapport à notre environnement, à l'autre aussi. Alors, je pense que en même temps, ça se collait très très bien avec ta propre pratique artistique aussi. Oui, oui, on était assez surpris de voir comment l'exposition s'y transformait au fur et à mesure et dans les espaces qu'il accueillait, des espaces assez monumentaux de fois, mais elle habitait bien quand même. Mais la maison Amel Bruno, pour moi, c'était vraiment une belle, un beau cadeau aussi au milieu du passage parce que elle est vraiment une dimension humaine, à l'échelle humaine, puis le rapport au corps est beaucoup plus présent. Donc, mes œuvres aimaient beaucoup ce rapport-là en question. Et donc, je pense que la présentation et la relation avec l'espace, ça convenait très bien aussi pour cette rétrospective. Et pour toi, comment tu perçois cette récompense que tu as reçue, le prix Création, au juste? Mais comme je t'ai dit, le prix que j'ai eu, c'est avoir déjà le regard de l'intérêt des gens de venir à mon atelier et échanger et être ouvert à faire de collaborations. Ça, c'était déjà un prix pour moi dès le début. Donc, c'est sûr qu'avec le prix Videré de création de l'année, moi, j'étais très, très contente, comme aussi avec les finalistes qui ont un excellent travail aussi. Donc, j'attendais pas le prix. Il faut dire que j'ai eu plusieurs nominations à ces prix. C'est la 5e fois que je suis nominée à ces prix. J'ai jamais eu, donc j'attendais pas. Mais c'était une surprise. Puis, j'étais très contente de l'avoir parce que c'est quand même comme si d'un coup le regard tourne un peu vers ce que tu fais et puis surtout à cette exposition là qui c'est un point de mon travail que personne, les gens ne connaissaient pas beaucoup, donc vous savez quand on travaille l'art action, l'art éphémère, c'est des choses qui est même difficile de garder des traces. Donc, et pour moi, le travail, c'est beaucoup dans le processus aussi. Donc, avoir une reconnaissance à ce niveau-là, d'un travail qui est toujours dans cet élan du processus, dans cet élan d'une construction poétique aussi, mais en lien avec les espaces, avec les gens. Donc, pour moi, c'est vraiment, d'un coup, il y a eu ce regard sur ce travail, puis je suis très contente. Il faut dire qu'ici, je n'avais pas eu toutes les collaborations, tous les gens autour de moi qui l'ont mis en évidence. Peut-être que je n'aurais pas eu le prix. Et c'est ça que je pense qu'il faut souligner aussi, parce que des fois, bon, les artistes, ils travaillent tous fortement, puis on est chacun dans son coin en train de pousser, d'essayer d'avoir des espaces, d'avoir des bourses, et puis c'est pas toujours évident, donc on est un peu isolé dans notre pratique, mais quand il y a cette dynamique de dialogue, du regard de l'autre, et puis qu'on puisse vraiment jouer ensemble et proposer des choses ensemble, en collaboration, c'est extraordinaire. Donc, qui ont pris, reconnaissent ça, c'est quand même super pour moi. Oui. Eh bien, ça me permet de sauter maintenant vers Alain Martin-Richard. Alain Martin, c'est là, cette fois-ci, le prix reconnaissance, il faut le dire, ce n'est pas une nomination, c'est vraiment on choisit un élu ici, et je t'ai senti à cette soirée de remise-là assez émue quand même, touchée de cette reconnaissance-là. Tu as parlé du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce pourquoi tu te sentais comme un imposteur? Écoute, c'est assez étrange, parce que d'abord, il n'y a pas eu une nomination, j'ai eu le prix. J'ai pas soumissionné un travail ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas sur dossier. C'est d'autant plus étonnant. Donc, ça vient vraiment de la part du milieu, représenté par un jury, etc. Et comme je m'y attendais, mais absolument pas, puisque mon nom avait même pas circulé, c'était un peu à ce niveau-là, tout à coup. Ah oui, bon, OK. J'avoue que oui, effectivement, ça m'a énormément ému et touché, parce que tu sais, on travaille, on est là-dedans, on agit. Moi, je viens d'il y a très longtemps, on est un peu les dinosaures, finalement, de l'art actuel, où on a développé, beaucoup dans mon cas, par interlieu, tout un travail en art-action, en autodétermination des groupes d'artistes, etc., etc., et qu'on a donc inventé, en quelque sorte, à peu près tout. Parce que, replace-toi dans les années 70, où tu n'étais même pas né, il n'y avait rien au Québec. À Québec, il n'y avait strictement rien. Et ça commençait vers la fin des années 70. Si on était de ceux-là. Donc, il y a eu un travail énorme qui a été fait dans toutes les directions, je dirais. Dans mon cas, ça a été beaucoup par l'art-action, donc beaucoup performance et tout ce qui est ce travail, je dirais, du vivant, oui. De l'art vivant. La manœuvre particulièrement. Et donc, il a amené beaucoup j'ai toujours fait, très rapidement dans mes performances, j'avais des travaux interactifs, je m'appuyais beaucoup sur le public, développer des choses comme ça, et ça s'est développé encore plus loin avec cette idée de manœuvre qui est donc un art-action déployé dans le réel, finalement, et qui était cette idée de faire une intrusion de l'art, non pas seulement comme une esthétisation de la vie, mais comme un chambardement de la vie. Mm-hmm. Donc, de faire en sorte que l'art, tout à coup, prend toutes sortes de connotations et vient par des effleurements, par des chocs violents, par peu importe les stratégies, ébranler un peu ce que j'appelle, ce qu'on appelle le consensus du vivant. Oui. Je t'ai entendu dire de recréer des singularités aussi, ce travail-là. Ben oui, bien sûr, parce qu'il s'agit toujours de créer des fissures. Je trouve qu'on est rendu dans une époque où il y a un formatage fabuleux, malgré l'illusion avec les réseaux sociaux, etc., avec cette idée qu'on est tout à fait libre, mais on se rend compte que c'est excessivement formaté. C'est formaté dans les grands médias, c'est formaté aussi dans les médias sociaux, et cette idée du formatage humain crée un truc qui est un peu abêtissant à la longue, et donc cette idée de leur action, c'est d'intervenir, de créer des fissures là-dedans, de venir poser un geste poétique, de créer un petit point d'interrogation dans l'espace. Mm-hmm. Puis, ce qui est intéressant, moi, je trouve, avec ton art, c'est que, oui, ce sont des choses qui s'incrustent dans le réel, mais il y a toujours quelque chose d'assez ou lequel on peut s'identifier ou se être rejoint finalement, parce que souvent, des fois, ben pas souvent, mais on pense à la performance, il y a quelque chose d'un peu parfois hermétique qui nous vient en tête ou plus complexe. En même temps aussi, je me rappelle l'idée de manœuvre où tu disais finalement c'était un peu pour sortir le côté très égocentrique du performeur et l'amener vers le spectateur. Ben évidemment, c'est une critique qu'on a fait souvent la performance, puis je pense qu'on peut encore la faire toujours en performance, appelons-la pure et dure, c'est qu'il y a cette espèce de relation avec soi-même. C'est-à-dire que dans l'art public, je considère qu'il y a toujours deux choses. Il y a cette idée du spectacle, et ça inclut la performance. Et faire une performance, que tu la fasses dans la rue, dans une galerie ou dans un musée, ça reste ton affaire que tu présentes au public. Mm-hmm. Et pour dérouter un peu cette attitude-là, il y avait cette idée qu'on a développée, pas seul d'ailleurs, à plusieurs, de manœuvre. C'est-à-dire, comment je peux faire pour ce que j'ai appelé poétiquement s'abolir dans le désir de l'autre. C'est-à-dire émettre une hypothèse d'œuvre qui va se réaliser en s'appuyant sur le désir des autres aussi d'en être. Donc, ça ouvre forcément. Tu sais, beaucoup de jeunes artistes commençaient souvent à me poser la question, disaient, ben, il faut toujours trouver la porte d'entrée. Si l'art doit être public, il faut qu'il y ait une porte d'entrée dans le public. Mm-hmm. Sinon, c'est pour soi-même, c'est pas mauvais, mais c'est autre chose. C'est ça. Et cette idée de trouver la bonne porte pour rentrer toujours dans le vivant généralisé autour de nous, ben, c'est un peu ça le travail. Oui. Et puis, j'imagine aussi, c'est le fun parce que aussi reste que ta carrière est toujours très active, hein? Autant à la fois sur le plan des arts visuels, mais aussi tu es critique pour notamment le théâtre avec la revue Jeu, tu écris aussi pour Inter également. Donc, il y a, je pense, tous ces pans-là que le jury a voulu signer, toute cette action, cette activité de ta pratique aussi. On utilisait un mot à l'époque qui était la machine de guerre qui venait de Deleuze, Guattari, je ne sais plus trop. Puis on s'est vu à un moment donné un peu comme une machine de guerre. Je parle d'Inter le lieu parce mm-hmm. qu'on était un collectif assez puissant. Puis on couvrait large parce que là-dedans, il y a des gens qui viennent de philosophie, d'art, de photographie, d'art, d'histoire de l'art, etc. Donc cette espèce de multiplicité des points de vue autour d'une action, c'est quelque chose de très conceptuel au départ, mais qu'on a toujours concrétisé. Et j'ai développé à travers ça effectivement des essais, une pratique un peu plus à réfléchir sur la différence entre le théâtre et la manœuvre, par mm-hmm. exemple, entre le théâtre et la performance, puis écrire des textes un peu plus théoriques là-dessus, essayer de voir où ça peut mener. Et je pense que ça c'est effectivement ça m'a comme permis de réfléchir avec plein de monde autour, puis dans des revues de pouvoir publier dans S, dans Inter, etc., qui fait que, oui, globalement, il y a comme une part du travail qui est à la fois de l'édition, de la réflexion collective, comment ensemble qu'on revient, et un travail pratique dans l'art action. Et étrangement, la manœuvre dans deux ou trois reprises m'a amené jusqu'à créer des objets permanents qu'on peut voir ici dans le parc. Il y en a un nouveau dans le parc à Montréal. Ça, c'est à ma grande surprise parce que je dirais qu'il y a longtemps, je disais, moi, je ne ferai jamais d'objets, il y en a déjà trop. Mm-hmm. Oui, c'est vrai. Ben, peut-être le souligner aussi à la place de l'Université du Québec, cette œuvre qui est là, enfin, dont on pourrait aussi parler longtemps, mais là, je vois que l'heure défile, mais quand même, ça vaut la peine, si vous passez dans le coin, d'aller jeter un œil sur cette œuvre participative aussi, encore une fois. Justement, une manœuvre, une manœuvre planétaire, utilisant l'Internet, utilisant l'objet réel, etc. Donc, plusieurs plans d'intervention. Tu parlais de ton expo tout à l'heure, ça me faisait des connotations avec l'exposition. Ben c'est ça, puis moi, ça me permet peut-être de conclure aussi avec ça. C'est intéressant parce que, à la fois, avec vos pratiques qui sont très différentes les unes des autres, on voit que vous êtes actifs, vous avez une pratique, oui, multidisciplinaire qui s'exprime différemment, mais la poésie, si je peux dire, est un point qui vous relie aussi beaucoup. Je pense aussi à l'aspect relationnel et engagement pour toi, Alain Martin, mais aussi pour Georgia également, Exactement, qui est très, très ancré aussi dans votre pratique. Sur pour projet de Julien qui est dans cet ordre-là aussi. Ben voilà. Fait que dans le fond, on va avoir un grand plaisir à découvrir justement ce qui va vous suivre. Toi, Julien, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois peut-être? Ben justement, dans les prochains mois avec Antoine Lortie, on présente avec Foliculture un concept qui va s'appeler « Comment on enterre la terre ». On aura l'occasion peut-être d'en reparler plus certainement, tard. Certainement, oui. Mais ça devrait venir au mois de mai, je pense. Parfait. Et Georgia, de ton côté, est-ce qu'il y a des projets en cours? Oui. Donc, moi, je vous invite. Il y en a un déjà qui se présente à la bibliothèque Félix Leclerc. C'est un projet d'art public que j'ai fait avec la collaboration des fermières de la Haute-Rivière Saint-Charles. Donc, vous pouvez c'est une œuvre qui est là, qui va rester à la bibliothèque. Sinon, j'ai repris la grande manufacture cette année avec le Carrefour de théâtre. Mmh, oui, c'est vrai. Et présentement, je suis en train de, imaginez-vous, confectionner une œuvre publique, mais pour un magasin, Simons, qui va ouvrir l'hiver, là, début de l'hiver. Ben c'est génial ça, en plus dans un lieu public vraiment où là ça va toucher un public extrêmement large. Ben c'est très intéressant. Galen Martin, de ton côté, est-ce qu'il y a des petits projets en cours? Oui, il y a des petits projets entre autres aussi pour le Carrefour. Un petit truc avec un artiste de Québec, avec André Dubois. C'est un petit projet, projet d'écriture aussi toujours en cours. Super. Et je vous invite aussi, chers auditeurs, à aller à votre bibliothèque parce que, notamment pour Georgia Volpe et Alain-Martin Richard, il y a deux très belles publications qui sont vraiment fort intéressantes. Pour Georgia, ça s'appelle « Mu et Entrelacs », donc qui fait un petit survol de quelques années de pratique de Georgia. Donc, vous pourrez découvrir davantage ce qu'elle fait. Et sinon, une très exhaustive publication d'Alain-Martin Richard, « Performance, manœuvre et autres hypothèses de disparition », vraiment, où on peut découvrir finalement quasiment l'entièreté de ta pratique artistique, Alain Martin, en plus d'un DVD qui est là à la fin. Alors, allez à votre bibliothèque si vous voulez en découvrir davantage. Et sinon, l'Internet est toujours là pour vous aussi, chers auditeurs. Eh bien, Julien, Alain Martin et Georgia, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Alors nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient de l'autre côté avec Lauriane Thibodeau. Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Laissez-vous émerveiller par les plus récents numéros de la relève circassienne. Le mardi 12 décembre à l'École de cirque de Québec, 8 artistes émergents font le grand saut et vous présentent leur travail le plus inédit et le plus étonnant. Avec Nicolas Bouchard-Bellemare, Amélie Gadebois, Karen Goudreau, Josiane Lamoureux, Marie-Michel Farran, Alexandre Plouffe, Mélijade Tremblay-Bouchard et Riono Souké Yamazuni. Détails au www.écoledecirque.com/première-ovation. Le Quartier de Lune vous invite à son souper festif du 31 décembre. En soirée, DJ au premier étage et le groupe rock RPM au deuxième. Plusieurs surprises vous attendent. Dépêchez-vous de réserver votre place pour cette soirée. Aussi, réservez dès maintenant pour vos parties des fêtes. Pour toute information, contactez-nous au 88-523-4011. Nous sommes aussi sur Facebook. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale sur les ondes de CKRL. Audrey Carreau en votre compagnie et j'ai le plaisir d'avoir en studio Lauriane Thibodeau. Bonsoir Lauriane. Allô, allô. Alors, tu m'as approchée avec ce sujet. Tu avais envie de nous parler de Catherine Chidi. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors, Catherine qui, enfin, vit un moment d'effervescence quand même, je pense. Un prix, une résidence à Londres, des projets un petit peu partout. En tout cas, bref, tu nous fais découvrir ce travail. Ben, faut dire quand même, Catherine, on t'a reçu quelques fois à l'émission pour différents événements, mais là, on va s'intéresser davantage à ta pratique ce soir. Donc, Lauriane, je te laisse nous présenter cette joaillière. Alors, Catherine Chidi est issue du milieu de la joaillerie. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'elle est dans ce... qu'elle a terminé ses études. Elle a une pratique aussi en sculpture installative. Après des études au bac et à la maîtrise à l'Université Laval, c'est là probablement que je me tourne vers elle en même temps, mais c'est là que c'est développé. En tout cas, j'ai vu dans ton parcours, c'est là que s'est développé davantage ta pratique, disons, en sculpture installative. Donc, en effet, Catherine Chidi vient de recevoir le prix Jean-Marie Gauvreau, donc qui est la plus haute distinction en métier d'art au Québec. Ça a donné comme ça, mais j'avais déjà en tête de l'inviter quand elle m'a dit au téléphone qu'elle venait de recevoir ce prix-là. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité pour la féliciter, tout d'abord. Merci beaucoup. Puis, donc, il y a ce prix-là qui donc, évidemment, amène une distinction par rapport à ton travail par définition métier d'art. Moi, ce que je connais davantage de ta pratique, c'est vraiment la sculpture installative. Donc, ça m'intéresse de savoir comment tu te définis, en fait, comme créatrice. Ouais. Faut dire en fait que effectivement j'ai fait la sculpture installative là dans le cadre de ma maîtrise en arts visuels, puis j'ai poursuivi un peu par la suite, mais au tournant à peu près il y a 10 ans, en 2008 là, j'ai fait une rencontre avec le bijou contemporain qui pour moi était un bel amalgame en fait entre la sculpture et le métier d'art là, la joaillerie que j'avais appris auparavant et que j'avais pratiqué là plutôt de façon commerciale pendant quelques années parallèlement à ma maîtrise. Et là, j'ai découvert tout un univers qui m'a amené finalement à vraiment approfondir mes connaissances et à propos du milieu, mais aussi des possibilités de savoir-faire là, et surtout des possibilités conceptuelles qu'amenait le bijou contemporain là, pour moi dans ma pratique. Donc, ça fait depuis 2008 là, que je m'y consacre presque entièrement. OK, mais je me souviens d'avoir vu une installation quand même dans Portneuf qui n'était pas de l'ordre du bijou contemporain, en tout cas, ouais, dans ma tête à moi, mais c'est pour ça que... Oui, en 2010, effectivement, là, dans une résidence artistique, oui, je me suis prêtée encore. Et je suis pas fermée non plus, encore explorer la sculpture installative, mais disons que là, pour l'instant, je m'y retrouve davantage dans le bijou contemporain. Puis, donc, ta pratique en bijou contemporain... semble s'amuser beaucoup avec notamment les notions de noblesse de matériaux. Donc, tu viens de mentionner le terme savoir-faire qui est un terme quand même très, très connoté métier d'art. C'est souvent aussi connoté le terme métier d'art avec cette fameuse noblesse des matériaux ou le choix des matériaux nobles, disons. Toi, tu te joues de ça quand même dans ta pratique. Oui, ben en fait, d'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait que je me suis intéressée au bijou contemporain, c'est l'espèce de liberté d'exploration de matière et de pousser là, le plus loin possible. Souvent, j'utilise des techniques de joaillerie pour transformer différentes matières, mais il y a vraiment là, une liberté là qui était qui vraiment en fait on peut faire ce qu'on veut là vraiment avec tous les matériaux, les assembler, questionner le rapport au corps et tout ça. Donc j'ai travaillé avec plusieurs matières, mais la dernière collection là pour laquelle j'ai été primée là, la collection Icar, justement pour ce faire, j'ai fondu des anciennes créations que j'avais fait en argent sterling. Donc pour vraiment faire comme une coupure. Donc pour moi là ça marque une étape Donc, j'ai transformé, là, il me reste presque plus de bijoux à la maison, là, j'en ai gardé quelques-uns, mais sinon, j'ai tout fondu pour vraiment défaire la matière, un peu comme un espèce de rituel de passage, là, donc de détruire à la fois par le feu et ensuite par martelage. Donc, la technique employée, là, c'est le fold forming que j'ai appris auprès de Chantal Gilbert. Et là, vraiment, là, ça défoule beaucoup de faire ça, là, au marteau, allant jusqu'à déchirer la matière. Donc, l'espèce de noblesse du matériau, là, je la... Et noblesse du savoir-faire, quand même, et parce que ça savoir-faire rend... aussi, c'est ça. En fait, la technique de fold forming est reconnue pour, justement, maîtriser le métal et, justement, le marteler. On veut pas que ça déchire. Mais moi, au contraire, là, c'est ce que je cherchais pour, justement, réussir à assembler, me servir de cette déchirure pour faire l'assemblage par rivet, qui est quand même une technique traditionnelle là, du joaillier. Mais encore là, le rivet très brut, je voulais qu'on sente là, la matière, puis le marteau, là, très solide. Puis là, tu m'envoies sur la piste. Là, c'était pas une question que j'avais vraiment préparée pour toi, mais je sais que tu voyages. Bon, dernièrement, tu étais en France justement pour un gros événement, un gros congrès sur le bijou contemporain. Je sais que tu as fait des résidences aussi en dehors du Québec, tout ça. Comment tu trouves le milieu des métiers d'art, en fait? Donc, pas seulement du bijou contemporain, mais vraiment des métiers d'art quand tu regardes d'autres milieux similaires. Ouais. Je pense que au Québec, quand même, c'est sûr que là comme j'arrive de Paris, là, au Québec, là, c'est quand même, tu sais, on ose quand même. On n'a pas, par rapport aux bijoux, en tout cas, on n'a pas l'espèce de tout l'aspect préciosité ou grande maison de joaillier. Donc, je pense que le poids de la tradition, on l'a un petit peu moins. Par contre, c'est sûr que quand j'arrive aux États-Unis, en Europe en général, je vois que les concepts sont très développés. On pousse très loin. Il faut dire que nous, on a des formations techniques, mais si on veut aller pousser plus loin, moi, j'ai poursuivi à l'université, puis au Canada anglais, il existe des programmes, là, je m'en vais à Londres, tu l'as dit tantôt, faire une résidence. Là, on peut faire un doctorat en bijoux contemporains. Donc, ouais. Des options qu'on n'a pas vraiment présentement, surtout pas au Québec, un peu plus dans le Canada anglais en général. Peut-être pas dans le bijou contemporain, mais en tout cas, du moins dans plus autres métiers d'art, on a cette option-là. Oui, okay, mais je dirais pas que c'est une nécessité, là, mais c'est bien d'être accompagné et de pouvoir avoir au moins des mentors pour se faire. Mais c'est ça, pour pousser plus loin nos recherches. Donc, justement, tu t'en vas au calque, à la résidence du calque à Londres, je pense que c'est à la fin de l'année? C'est en juillet. Oui, ah, c'est en juillet. Mois. Okay, c'est ça, en juillet. Puis entre-temps, ben là, j'ai un projet. Présentement, là, je travaille justement, là, j'ai mis l'argent sterling de côté et là, j'explore toutes sortes de matières que j'ai trouvées sur le bord du fleuve Saint-Laurent et qui ont une grosse portée. En fait, il y a une portée symbolique très forte pour moi parce que je viens de là, mais aussi historique. C'est donc ton projet à la maison Louis Fréchette. C'est ça, ça va être exposé à la maison natale de Louis Fréchette là, en juin prochain, donc juste avant mon départ pour Londres. Puis j'ai vu dans ton travail justement que c'était la notion du fleuve Saint-Laurent quand même, t'habites depuis plusieurs années, c'est pas nouveau là. Non, c'est vraiment là, en fait il y a toujours une référence à mon lieu de naissance et maintenant de vie. Puis si on a un petit peu de temps, quel est ton projet exactement au calque, ton projet de recherche j'imagine, puisque c'est pas nécessairement de production? Pour Louis Fréchette, comme je disais, c'est avec les matériaux, tout ça, d'exploration. Pour ce qui est du studio du calque à Londres, c'est vraiment explorer le bijou comme concept, c'est-à-dire comme sujet, mais comme sujet aussi par rapport au bijou, les liens familiaux, en fait. Souvent, le bijou, c'est quelque chose qu'on va transmettre. Donc, il y a toute une histoire. C'est quelque chose qu'on soumet à l'autre. Si on le porte, en fait, des fois, c'est intime. Mais d'autres fois, c'est face à l'autre. Donc, on doit se commettre quand on porte un bijou. Donc, c'est vraiment un projet, en fait, de revisiter l'idée du bijou et, justement, comment illustrer ça par rapport aux liens familiaux. D'ailleurs, c'est pour ça que mon copain et ma fille m'accompagnent à Londres. Donc, il y a tout un trois mois, les trois premiers mois, c'est de l'exploration, là, vraiment, dans toutes sortes de matières, tout ça, pour, sur ce sujet-là, avec eux. Et les trois derniers mois, c'est la réalisation en atelier. Donc, je loue un atelier de joaillerie. En fait, c'est plus pour le montage des pièces, donc pour faire les attaches et tout ça. Ça veut pas dire qu'il va résulter nécessairement que des bijoux, là. Je pense, c'est sûr, je vais tout archiver les traces, les vidéos d'exploration et tout ça, là. C'est donc, très intéressant de transporter notre famille pour une résidence outre-mer sur ce thème-là de la transmission. Ouais, puis on est, parce que je me compte chanceuse là que le calque ait appuyé cette proposition là. Ouais, puisqu'il n'y en a pas beaucoup des ateliers, des résidences en fait où on peut se permettre de travailler en étant catégorisé disons métier d'art, où justement il faut que tu loues un atelier puisque tu n'as pas d'atelier dans le studio du calque. Non, c'est vraiment le développement conceptuel là, qui se fait sur place. Bien, merci beaucoup pour cette présentation de ton travail, puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de bijoux contemporains ensemble. Avec plaisir. Certainement, certainement. Bon, je pense qu'on va se planifier une petite rencontre des suites de cette résidence. Je pense que ça va être très intéressant de voir ce qui en aura découlé, autant que si c'est juste même sur le plan de la réflexion aussi, ce que ça va t'avoir apporté. Tout mais en fait, je serais très, très intéressée qu'on se revoie, j'imagine, à l'automne, finalement, prochain. Enfin, c'est à suivre. Lauriane, merci beaucoup. Et Catherine, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci. On va faire une courte pause audio et on revient avec Nicolas Martel. On poursuit cette émission en compagnie de Nicolas Martel. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Ça va bien, hein? Oui. Oui. Oui. Alors, il y a tout un... Tu es ici pour nous parler de ce projet photo que tu as mené depuis déjà deux ans. Oui, deux ans, un petit moment comme ça. Qui là, tu vas nous présenter davantage ce projet-là. Tu vas le rendre public ce vendredi. Et on aura, à vrai dire, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus parce que c'est un projet très intriguant quand tu m'as approché. Moi, ça m'a allumé énormément. Un projet d'inventaire des textures de la ville de Québec, mais en photo. Alors, je te laisse nous parler de d'où ça vient, ce projet-là, en premier lieu, peut-être. Oui, premièrement, dans le fond, quand je suis arrivé à Québec, ça fait à peu près justement deux ans, je commençais à faire des balades photos parce qu'on connaît tous la vision patrimoniale du Vieux-Québec et le patrimoine est vraiment important pour la ville. C'est, on a fait l'image de la ville sur le patrimoine historique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une richesse à l'extérieur des murs. Donc, une richesse texturale, une richesse architecturale. Et j'ai commencé à documenter à gauche puis à droite en me promenant au fil de marche. Et je commençais à accumuler vraiment beaucoup, beaucoup d'images. Mm-hmm. Et en parallèle, je faisais une recherche au niveau de la production photographique qui se faisait sur la ville, parce que je m'intéresse beaucoup à l'image des villes, à comment qu'une ville se présente à l'extérieur. Elle se projette. Mm-hmm. Et venant de Montréal, qui est une ville qui est extrêmement photographiée, je veux dire, il y a carrément une course au nouveau point de vue. Je me rappelle à l'époque, il y avait, à l'époque de Tumblr, qui étaient les blogs photographiques Internet, il y avait comme une espèce de course où est-ce qu'on trouvait un nouveau point de vue et on le voyait répéter très rapidement un peu partout. Je pense à la salle de Westmount, entre autres, qui était un lieu secret en 2008. Puis en 2010, il y avait un mariage par semaine qui se passait là. Quand même. Donc, à Québec, c'était relativement inexploré. Donc, à l'extérieur de Saint-Jean, Saint-Roch. Oui, puis du fameux château Frontenac, qui est quand même une icône, bien, il y a énormément. C'est ce que l'on voit dans ce projet-là. Il y a énormément à voir en matière architecturale à Québec. Je pense que le livre regroupe 1300 photos, c'est bien un ça à peu près? Un petit peu plus même. Mais j'imagine que le projet en soi d'inventaire que tu as fait, de prise de photos, était encore plus large et plus grand. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'images qui ont été produites que ce qui se retrouve dans le livre. Oui. Puis dans le fond, je m'interrogeais beaucoup avec l'idée de l'archive et des inventaires dans le milieu du patrimoine. L'inventaire, c'est une manière de documenter pour les générations à venir l'état d'un bâtiment, de faire des évaluations pour voir est-ce qu'on veut conserver, est-ce qu'on veut, est-ce que ça a de la valeur collectivement. Exact. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de réflexion sur la pratique de l'inventaire comme telle. Mm-hmm. Donc, je me suis donné un peu l'objectif d'utiliser les textures comme un prétexte pour faire une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire avec cette idée-là d'inventaire. Oui. Exactement. C'est l'inventaire comme un mode de création artistique, oui. Finalement. Oui. Et donc, j'avais un intérêt aussi pour la vie des archives et aussi avec l'idée les problématiques qui se posent avec le patrimoine en ce moment. Mm-hmm. Et à travers, donc, dans le fond, le projet a été supporté par la Bourse Première Ovation. Et à travers une discussion avec Sébastien Hudon, qui est archiviste et spécialiste de la photographie à Québec, donc on a discuté et ce qui a émergé, c'est peut-être l'idée d'imiter le processus de destruction d'un bâtiment patrimonial à travers la destruction. Ben, pas vraiment, on parle de destruction, mais c'est plus une dissémination de l'archive. C'est ça, exactement. Parce que là, dans le fond, toi, de ces images-là, tu en fais une publication, mais à un exemplaire. Effectivement. Où on retrouve différentes photos de ces textures que tu as trouvées un peu partout dans les quartiers de Québec. Et là, dans le fond, l'événement qui se passe ce vendredi, c'est spécial. Tu vas prendre cet exemplaire-là et qu'est-ce que tu vas demander aux gens? Je demande aux gens de choisir une page, de partir avec la page et de signer un registre, comme de quoi qu'ils ont, qu'ils officialisent donc leur prise de page. Oui, exact. Fait que finalement, c'est allé un peu aussi. Oui, il y a l'idée, le symbole, l'idée du concept d'imiter le patrimoine bâti que l'on détruit. Là, on le détruit en part, dissémine, comme tu dis, mais en même temps, c'est allé exactement à l'encontre de l'idée d'inventaire, d'archive, parce qu'une archive ou un inventaire, on le garde aussi pour le futur, pour les gens, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'est aller vraiment dans le sens opposé de l'essence même de l'inventaire. Oui, un peu, oui. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est quand même un beau geste, bon, je sais pas si on peut dire anarchiste, mais enfin, quand même, un petit geste assez symbolique quand même, ici. Mm-hmm. Oui. Il y avait vraiment l'idée de réfléchir aussi à... Parce que les archives, on en accumule, ça se multiplie, mais ne sont pas consultées. Mm-hmm. Donc, j'ai une réflexion aussi au niveau du taux de consultation des archives. C'est très, très minime. Peut-être c'est même en bas d'un 1% de ce qui est archivé, qui est consulté. Et je me disais aussi que si je le distribue à des gens qui ont choisi des images spécifiques, peut-être qu'ils vont apprécier plus. Ouais. Qui vont vouloir le garder et peut-être le transmettre pour que ce soit vu, en quelque sorte, par d'autres aussi. Oui. Mm-hmm. Et le registre permet aussi à quelqu'un qui serait vraiment crinqué de vouloir rassembler tout le matériel. Oui, oui, oui, effectivement. De garder une trace, finalement, tout comme l'archive le fait, mais là, ça va être non pas une trace visuelle, mais une trace écrite de savoir qui a en sa possession cette archive, justement. Oui. Oui. Eh bien, c'est vraiment extrêmement intéressant comme projet et on le rappelle, en fond, c'est ce vendredi à compter de 17h qu'on va être invité à aller voir le projet aussi. Enfin, si vous arrivez assez tôt, vous aurez peut-être la chance de le voir même dans son intégralité et après ça, donc, ramener peut-être chez vous ce morceau de page des textures de la ville de Québec. Eh bien, Nicolas Martin, merci beaucoup de merci nous vous. Avoir parlé de ce projet-là. Et enfin, on va suivre justement ces projets futurs autour de ces idées d'inventaire-là. En tout cas, moi, ça m'allume beaucoup. On aura, j'imagine, l'occasion de se recroiser et de se reparler de tes projets futurs à ce sujet. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Alors, on s'en va en pause audio et on revient avec l'agenda de la semaine. Alors, peut-être juste avant de vous parler de l'agenda de la semaine, simplement vous dire qu'il y avait un article dans Le Voir de Québec, donc sur ce projet de Nicolas dont on vient tout juste de parler. Donc, vous pouvez aller consulter ça, un article de Catherine Genet, donc sur le web, sur le site voir.ca. On y va justement avec ce gros agenda de la semaine. Ce jeudi, 5 à 7 à la Chambre Blanche, c'est la présentation de la résidence d'Owen Chapman et de Peter Sinclair qui, dans le fond, c'est un projet dans le cadre d'un projet européen, Future Diversities, et c'est spécialement pour parler des collaborations France-Québec. Ces artistes-là ont travaillé sur un monde virtuel 3D qui est disponible sur le web, qui est dédié à l'expérience à la pratique de la création sonore dans l'espace urbain. Et au cours de leur résidence, les artistes ont créé une œuvre dispositif dont la forme est modifiable en fonction de la situation et de la variation des données. Donc, ce sera à découvrir ce jeudi en 5 à 7 à la Chambre Blanche. Sinon, jeudi et vendredi soir, à compter de 19h au lieu, on vous propose deux soirées de performance pour clôturer la programmation 2017, donc du lieu. Ce sont les participants des ateliers d'art performance qui ont été donnés par Richard Martel et les Painting, dont on a qu'on a accueilli la semaine dernière, qui vont présenter des performances solo et collectives. On est conviés finalement à découvrir le résultat de ces ateliers qui ont eu lieu, et les artistes. Donc, participants, on retrouve notamment Lou Manuel Arsenault, Isabelle Clermont, Philippe Després, Roger Langevin et Sylvie Tourangeau notamment. Donc, il y a ça à découvrir dès 19h au lieu jeudi et vendredi. Et sinon, jeudi, expo éphémère de l'artiste MC Grou au studio sur le 260 boulevard des Capucins à Limoilou. Donc, une artiste muraliste qui fait un peu dans le street art à découvrir. Donc, le vernissage est jeudi, ce jeudi en soirée. Vendredi, 5 à 7 à Méduse chez Photo, notamment pour le lancement du projet de Nicolas Martel dont on vient de parler, mais aussi le vernissage du travail réalisé par l'artiste finlandaise Katri Nokarinen lors de sa résidence à Méduse durant cet automne. Et c'est l'occasion aussi de souligner le 20e anniversaire de ses résidences croisées entre le Québec et la Finlande. Donc, il va y avoir lancement d'une publication, mais aussi des représentants du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la Fondation finlandaise, la directrice de Méduse et des artistes qui ont réalisé des résidences artistiques en Finlande lors des 20 dernières années, donc qui vont être là sur place. À 19h vendredi, c'est l'atelier aux ateliers du roulement en bille. Il y a une exposition très courte durée, Coming Soon, une exposition collective des étudiants à la maîtrise en arts visuels. Les artistes vous proposent de venir découvrir un aperçu des projets qu'ils vont présenter lors d'une autre exposition en février prochain à Montréal. Prestations musicales et partez en perspective. Et ce samedi, c'est la performance de Karen White à Regard, dont on a parlé la semaine prochaine, donc à Regard à Lévis. Donc, on retrouve ça ce samedi en après-midi. Et dernière semaine, pour voir les expos à la Maison Amel Bruno, au Centre Materia, la Galerie des arts visuels, à Regard, Galerie 3. Et c'est aussi la virée du temps des fêtes, je vous rappelle, à l'espace Galerie Sherpa, au terrain de la Bordée, à la Galerie Materia et à l'établi et en gramme. Bref, allez faire un petit tour si vous avez des cadeaux de Noël à faire. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition de l'Aérospatiale. Un grand merci à mes invités, Julien Lebarger, Georgia Volpe, Alain Martin-Richard, Catherine Chidi, Nicolas Martel, ainsi que ma collaboratrice Lauriane Thibodeau. La mise en onde est assurée par Jacques Gignac, notre grand magicien de la console. Merci beaucoup. Salutations à Jean-Tiane Lafrance, ma comparse de cette émission qui collabore en direct de Matane pour nous. Et soyez des nôtres la semaine prochaine, dernière édition 2017 de l'Aérospatiale. On fait un tour avec l'équipe de ce qui a marqué l'année en art visuel de la belle capitale. Demeurez de l'autre côté de la pause avec nous sur CKRL. Pierre Blais et toute son équipe vous attendent pour discuter cinéma à l'émission Situation critique en direct de la Ninkasi. Audrey Carreau qui vous souhaite une bonne semaine et à mardi prochain. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Moteur.